Genèse chapitre 35. Or Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure là, et y dresse un autel au Dieu fort, qui t'apparut quand tu t'enfuyais de devant Ésaü Tréma, ton frère. Et Jacob dit à sa famille, et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux des étrangers qui sont au milieu de vous, et vous purifiez, et changez de vêtements, et levons-nous, et montons à Bethel, et je ferai là un autel au Dieu fort, qui m'a répondu au jour de ma détresse, et qui a été avec moi dans le chemin où j'ai marché. Alors ils donnèrent à Jacob tous les dieux des étrangers qu'ils avaient en leurs mains, et les bacs qui étaient à leurs oreilles, et il les cacha sous un chêne qui était auprès de Sichem. Puis ils partirent, et la frayeur de Dieu fut sur les villes des environs, tellement qu'ils ne poursuivirent point les enfants de Jacob. Ainsi Jacob, et tout le peuple qui était avec lui, vint à Luz, qui est au pays de Chanaan, laquelle est Bethel. Et il y bâtit un autel, et nomma ce lieu-là, le Dieu fort de Bethel. Car Dieu lui était apparu là, quand il s'enfuyait de devant son frère. Alors mourut Déborah, la nourrice de Rebecca, et elle fut ensevelie au-dessous de Bethel, sous un chêne qui fut appelé Allon-Bacut. Dieu apparut encore à Jacob, quand il venait de Padan Aram, et le bénit, et lui dit, « Ton nom est Jacob, mais tu ne seras plus nommé Jacob, car ton nom sera Israël. » Et il le nomma Israël. Dieu lui dit aussi, « Je suis le Dieu fort, tout-puissant, augmente et multiplie, une nation, même une multitude de nations, naîtra de toi, même des rois sortiront de tes reins. Et je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je le donnerai à ta postérité après toi. » Et Dieu remonta d'avec lui, du lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument au lieu où Dieu lui avait parlé, savoir, une pierre pour monument, et il répandit dessus une aspersion, et y versa de l'huile. Jacob donc nomma le lieu où Dieu lui avait parlé, Bethel. Puis ils partirent de Bethel, et il y avait encore quelques petits haies. Passe de pays pour arriver à l'Ephra, lorsque Rachel accoucha, et elle fut dans un grand travail. Et comme elle avait beaucoup de peine à accoucher, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore ici un fils. » Et comme elle rendait l'âme, car elle mourut, elle nomma l'enfant Benoni, mais son père le nomma Benjamin. C'est ainsi que mourut Rachel, et elle fut ensevelie au chemin d'Ephra, qui est Bethléem. Et Jacob dressa un monument sur son sépulcre, c'est le monument du sépulcre de Rachel, qui subsiste encore aujourd'hui. Puis Israël partit, et dressa ses tentes au-delà de Migdal-Édé. Et il arriva que, quand Israël demeurait en ce pays-là, Ruben vint, et coucha avec Bila, concubine de son père, et Israël la prit. Or Jacob avait 12 fils. Les fils de Léa étaient Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon, les fils de Rachel, Joseph et Benjamin, les fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali, les fils de Zilpa, servante de Léa, Gaéazé. Ce sont là les enfants de Jacob, qui lui naquirent en Padan Aram. Et Jacob vint vers Isaac, son père, en la plaine de Mamré, à Kirjatarba, qui est Hébron, où Abraham et Isaac avaient demeuré comme étrangers. Et le temps qu'Isaac vécut, fut 180 ans. Ainsi Isaac défaillant mourut, et fut recueilli avec ses peuples, âgés et rassasiés de jour, et Ésaü Tréma et Jacob, ses fils, l'ensevelirent.